Bienvenue à Méloman sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en ce 4 mars 2020. Merci d'être au rendez-vous. Content de vous retrouver encore ce soir. Déjà rendu au mois de mars, après avoir consacré l'entièreté du mois de février au mois de l'histoire des Noirs, Motown, Stax, Jazz, Reggae. Il y a bien du monde qui semble avoir apprécié le reggae la semaine passée, d'ailleurs. Reggae en pleine tempête. On a peut-être sauvé des vies sur la route, mesdames et messieurs, parce que le reggae est connu pour calmer les mœurs. Donc, on conduit plus prudemment à ce moment-là. C'est ça le pouvoir de la musique. Et d'ailleurs, s'il y a des trucs que vous avez manqué ou que vous voulez faire partie d'une communauté de mordus de la musique, ben, il y a toujours le groupe Facebook Méloman écrit en majuscule. Et il y a toujours moyen de faire du rattrapage sous l'onglet rediffusion sur cfnj.net. C'est vrai pour toutes les émissions de la station. Mais là, ce soir, qu'est-ce qu'on fait quand on a eu une longue série de spéciaux comme ça? Ben, c'est simple, on se fait plaisir et on retourne dans nos pantoufles d'un beau méloman varié format classique. Tout ça au 99.1 et 88.9 CFNJ. Tobacco Road. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes. et la route longue. Un jour pour le temps qui passe, pour un jour de fête, pour un jour de fête. Pour chanter ce qu'on a dans la tête, on n'a pas besoin d'être un vrai poète. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, ça va. Ooh. au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. It's just no good anymore since you went away. Now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. Divided by two. C'est à Mélomane que ça se passe ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1 à 88.9 dans un beau varié format classique ce soir, tout simplement, avec déjà un premier bloc justement assez varié qui s'est terminé avec un artiste magnifique que je vous encourage vivement à découvrir. On va beaucoup le connaître pour sa reprise du grand slow Without You de Badfinger, qui va être plus tard reprise par Mariah Carey. Et pour aussi Everybody's Talking, qui va être associé beaucoup au fameux film Midnight Cowboy avec John Voight et Dustin Hoffman. Mais c'est un magnifique auteur-compositeur, un orfèvre du pop un peu à la manière d'un Paul McCartney. D'ailleurs, ça va devenir un grand ami de John Lennon, même que les Beatles admiraient tellement son travail qu'ils vont ramener une caisse de son album Pandemonium Shadow Show en Angleterre en 1967 pour la distribuer à leurs amis proches. Album très rare, soit dit en passant. Et ce gars-là, ben, c'est Harry Nilsson, un ténor avec un range de 3 octaves et demi qu'on a entendu ici avec One, un extrait de son excellent album Aerial Ballad en 1968. One qui va aussi être fameusement reprise par Amy Mann pour le film Magnolia en 1999. Mais bref, Harry Nilsson, vraiment un auteur-compositeur à découvrir qu'on a entendu ici juste après. Qui d'autre que le Mighty Led Zeppelin avec Misty Mountain Hop de 1971. Une chanson qui ferait référence au livre Le Hobbit, parce que Robert Plant avait une légère obsession avec l'œuvre de Tolkien, comme bien des gens à cette époque-là, d'ailleurs. Et on a entendu ça juste après, pourquoi pas, cette chère Nana Mouskouri avec son classique « Quand tu chantes » de 1976, une chanson qui est en fait une reprise d'une pièce brésilienne de Martino da Vila qui s'appelle « Canta, canta, minha gente ». Excusez mon portugais, évidemment, Madame Mouskouri, qui, si je ne m'abuse, parle quelque chose comme 8 langues. Donc, c'est peut-être normal qu'elle s'intéresse à toutes sortes de répertoires. Et tout ça qui a été amorcé par les Nashville Teens en 1964 avec l'excellent Tobacco Road. Et nous, on y retourne avec un autre très bon groupe qui va marquer la fameuse période du AM des années 70. On écoute Bread au 99.1 et 88.9 CFNJ. Thank you. au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. We'll be right back. some action, but like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them wanna get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, what L.O.C.? The girls was all jocking at the other end of the bar, having drinks with some no-name chump when they know that I'm the star. So I got up and strolled over to the other side of the cantina. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Cole Medina. Secret on how to get more chicks. Put a little Medina in your glass and the girls will come real quick. It's better than any alcohol or aphrodisiac. A couple of sips of this love potion and she'll be on your lap. So I gave some to my dog when he began to beg. And then he licked his bowl and he looked at me and did a wild thing on my leg. He used to scratch and bite me before he was much, much meaner. But now all the poodles run to my house for the Funky Cole Medina. You know what I'm saying? I got every dog in my neighborhood breaking down my door. I got Spuds and Nancy, Alex from Strohs. They won't leave my dog alone with that Medina, pal. I went out to this girl. She said, hi, my name is Sheena. I thought she'd be good to go with a little Funky Cole Medina. She said, I'd like a drink. I said, okay, I'll go get it. And then a couple of sips, she gon' lick the lips, and I knew that she was with it. So I took her to my crib, and everything went well as planned. But when she got undressed, it was a big old mess. Sheena was a man. So I threw her out. I don't fool around with no Oscar Mayer wiener. You must be sure that your girl is pure for the Funky Cole Medina. You know, ain't no plans with a man. This is the 80s and I'm down with the ladies. You know? Break it down. A little affection. I took a shot as a contestant on the love connection. The audience voted, and you know, they picked a winner. I took my date to the Hilton for Medina and some dinner. She had a few drinks, I'm thinking soon what I'll be getting. It said she started talking about plans for our wedding. I said, wait, slow down, love, not so fast, I'll be seeing ya. That's why I found you don't play around with the funky Cole Medina. You know what I'm saying? That Medina's a monster, y'all. Funky Cole Medina. Eh oui, c'est comme ça des fois, Méloman, sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9, avec encore une fois un bloc ô combien disparate qui s'est terminé contre toute attente sur Tone Loc en 1989 avec son succès Funky Cold Medina, qui serait selon la légende, tout le monde s'est toujours demandé un petit peu c'est quoi le Funky Cold Medina quand on écoute les paroles. Ben, selon la légende, ça serait un cocktail. Il y en a pour dire que ça serait un fuzzy navel, schnapps aux pêches, jus d'orange et vodka, mais il y a une panoplie de drinks qui se sont appelés comme ça après la chanson en question. La question, c'est de quoi parlait Tone Loc, qui a aussi été connu pour son gros hit Wild Thing la même année, chose qui suivait un triplé qui avait une connexion très particulière parce que c'était des chansons et des artistes qui se sont inspirés les uns les autres beaucoup. Mais dans le comme très clairement, le triplé en question a débuté avec Fleetwood Mac en 1968. J'ai souvent parlé des différentes incarnations de Fleetwood Mac. On répétera pas toute l'histoire ce soir. Mais ça, c'est le groupe original qu'on a entendu, celui de Peter Green, à qui l'on doit la version originale de Black Magic Woman, entre autres. Et on les a entendus avec une pièce instrumentale très importante de cette époque-là, soit la très planante Albatross, qui va grandement inspirer John Lennon à composer Sun King, qu'on a entendu juste après, qui nous venait de la légendaire dernière offrande des Beatles, Abbey Road, en 69, et enregistré au même studio. Tout ça était suivi d'un extrait de The Dark Side of the Moon, de nul autre que Pink Floyd avec Breathe in the Air en 1973. Mais l'important là-dedans, c'est qu'on pouvait vraiment suivre la parenté du mood des guitares planantes à travers chacune des pièces, comme quoi rien ne se perd, rien ne se crée, plutôt rien ne se perd. Et un auditeur qui me disait, ce cher Sylvain, qui me disait que l'espèce de faux espagnol que John Lennon utilise dans la chanson Sun King, ben Elton John, son grand ami et admirateur, va finir par faire la même chose sur son album Caribou avec la chanson Solar Prestige Gamon. Donc, il s'amusait à faire une espèce de faux espagnol. Je ne sais pas si c'était quelque peu insultant pour les hispanophones, mais bon, ça sonne bien. Et sinon, ben un groupe intéressant juste avant au Québec, en plein territoire prog cette fois-ci avec le groupe Slush en 1975, un groupe qui s'inspirait autant de la scène prog comme telle que du jazz rock très populaire à l'époque, pas surprenant parce que c'était des très bons musiciens, mais on peut aussi sentir assez clairement une influence plus précise dans leur son qui est celle de la scène de Canterbury en Angleterre, qui va être une branche de prog un peu différente parmi les membres de laquelle on pouvait compter les Soft Machine et les Caravan, entre autres. Mais bref, Slush, on les a entendus en 1975 avec Jeune œil, pièce de l'album du même nom et de la même année. Tout ça après Bread en 1969. Avec Anyway You Want Me. Et nous, ben, on était rendu en 89, ben, on va rester dans les années 80, plus précisément 85, avec un groupe hyper important. On écoute The Smiths, 99.1 et 88.9 CFNG. I hoarsely cry.

au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tip, tip, tip, tip, tip. What if you did? What if you walk? What if you try to get off? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you walked. mami. Parti un soir d'été, sans dire un mot, sans t'embrasser, sans un regard sur le passé, le passé. Dès que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier, quand j'étais près de toi, ma mère. Oh, ma belle. Oh, mamé. Oh, mamé, mamé bleu. Oh, mamé bleu. Oh, mamé, mamé bleu. Oh, mamé. Oh, mamé, mamé bleu. Oh, mamé bleu. Et aujourd'hui je te reviens, et j'ai refait tout le chemin qui m'avait entraîné si loin, oh si loin. Tu n'es plus là pour me sourire, me réchauffer, me recueillir, et je n'ai plus qu'à repartir. Le chat et les chiens sont très vieux, et ils viennent me dire adieu, adieu. Je ne reviendrai plus jamais dans ce village que j'aimais, où tu reposes à tout jamais, désormais. Nuageux pour les prochaines heures sur la Naudière. Il y a peut-être quelques flocons au courant de la nuit. Minimum de moins 4 à moins 2 degrés. Du soleil pour jeudi, maximum de 3 degrés. Et nuageux quelques averses de neige vendredi, maximum de moins 4 à moins 1. CFNJ 99 A 88.9. Et juste au cas où vous ne saviez pas où vous étiez rendu, ben vous êtes toujours à Méloman, à CFNJ, avec un bloc un peu plus acoustique pour la plupart, qui s'est tout de même terminé avec un classique que certains associent parfois à Patoff ou à Roger Whittaker. Mais là, c'est en 1971 qu'on a entendu Mammy Blue dans sa magnifique version par Nicoletta, chanteuse franco-suisse, qu'on connaît aussi pour son duo Les Idées Noires avec Bernard Lavillier. Pas celle de Julie Mars, là, une autre idée noire, ou l'excellente Il est mort le soleil, qu'on écoutera sûrement un de ces quatre mélomanes. Chose qui suivait un groupe qui a défini tout d'abord le son du college rock et du jangle pop aux États-Unis, qui va ni plus ni moins être un des groupes responsables d'avoir ramené la guitare dans les années 80 dans un tsunami de new wave et de synthétiseurs. Et donc, on va les classer comme un des premiers groupes dits alternatifs. C'est pas les seuls, mais c'est un groupe phare. Et ce groupe-là, ben, c'est R.E.M. qu'on a entendu ici, quand même un bon 10 ans après les événements dont je vous parle, soit en 1992, une fois que leur carrière était bien établie et que c'était des stars mondiales, plus du tout underground, on les met pas d'autant quand même très bons. On les a entendus avec la magnifique Drive, pièce qui ouvrait leur album Automatic for the People. Mais plus j'en parle, plus je me dis que ça serait intéressant d'aller explorer justement les premiers balbutiement de cette scène alternative dont je vous parle, à en retracer l'histoire un peu en quelque sorte. Ce n'est que partie remise. Et sinon, ben, parlant de scène alternative un peu plus indie, on a aussi entendu Jeff Tweedy, qui était, si je ne m'abuse, dans un groupe qui s'appelait Uncle Tupelo, qui faisait une espèce de country alternatif. Mais là, il était au sein de son groupe Wilco, ici, pour nous interpréter How to Fight Loneliness, une très belle chanson de 1999 qui suivait The Smiths, un groupe hyper important qui partage une histoire semblable que celle d'R.E.M., mais cette fois-ci en Angleterre, à peu près au même moment. Ils vont ramener la guitare, eux aussi, au goût du jour dans un flot continu de post-punk, new wave et de synthétiseurs, grâce au jeu de guitare complètement unique de Johnny Marr, d'ailleurs, qui va être un héros pour plusieurs groupes indépendants qui vont suivre. D'ailleurs, si je me trompe pas, Johnny Marr est apparu il n'y a pas si longtemps sur un album de Modest Mouse, un excellent groupe indie, justement, plus récent, qu'il faut découvrir. J'en ai déjà fait jouer dans un radio pirate il y a de ça très longtemps. Mais bref, The Smiths avec Well I Wonder en 85 de l'album Meat is Murder, parce que Morrissey est quelqu'un de farouchement végétarien, si ce n'est vegan. Et nous, ben, on y retourne complètement ailleurs, toujours à Meloman, au 99.1 et 88.9 CFNJ. We'll be right back. Il me parle de toi. Depuis, c'est le silence. approche-toi de moi. J'ai besoin de parler. Parler un peu de toi, de moi. Jusqu'à demain peut-être. Peut-être, peut-être. Ou bien jusqu'à la mort. Peut-être, peut-être. Je ne sais pas encore. Oh, oh, oh, oh, oh. Le temps qu'il durera. Oh, oh. Cet amour que nous vivons là, jusqu'à demain peut-être, peut-être, peut-être. Ou bien jusqu'à la mort, peut-être, peut-être. Jusqu'à demain peut-être, peut-être, peut-être. Ou bien jusqu'à la mort, peut-être, peut-être. On se jette dans l'amour comme dans une eau. Et l'on fête chaque jour comme un anniversaire. Et je te donne tout, et tu te donnes toi. On dit qu'on ira jusqu'au bout, on ne dit pas de quoi. On dit que l'on y croit, on dit n'importe quoi. Je ne sais pas encore. Le temps qu'il durera. Cet amour que nous vivons là. Jusqu'à demain peut-être. Ou bien jusqu'à la mort. Jusqu'à demain peut-être. Ou bien jusqu'à la mort. On ressemble. Ces bêtes sauvages qui se mordent quelquefois pour s'aimer davantage. Jamais on n'a fait mieux, jamais on ne fera. Avec un peu d'eau et de feu, plus grand amour que ça, peut-être, peut-être bien. Plus bel amour que ça, peut-être. Peut-être bien. Plus bel amour que toi. Peut-être bien. Je ne sais pas encore. Tant qu'il durera. Ça durera. Jusqu'à demain peut-être. Peut-être. Ou bien jusqu'à la mort. Peut-être, peut-être. Jusqu'à demain peut-être. Jusqu'à la mort, peut-être, peut-être, peut-être bien. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. You showed me how to do exactly what you do, how I fell in love with you. What you say in that very special way. Oh, it's true. You fell for me too. And when I tried it, I could see. And now you love me too. what you do, how I fell in love with you. Showed me how to say exactly what you say in that very special way. You taught it to me too, exactly what you do, and now you love me too. Ramona, come closer, shut softly your watery eyes. The pangs of your sadness will pass as your senses will rise. For the flowers of the city, though breath like it, death like some time. And there's no use in trying to deal with the dying, though I cannot explain that in lines. You crack country lips, I still wish to kiss, as to be by the strength of your skin. Your magnetic movement still captures the minutes I'm in. But it grieves my heart, love, to see you trying to be a part of a world that just don't exist. It's all just a dream, babe, a vacuum, a scheme, babe, that sucks you into feeling like this. I can see that your head has been twisted and fed with worthless foam from the mouth. I can tell you are torn between staying and returning back to the south. You've been fooled into thinking that the finishing end is at hand. Yet there's no one to beat you, no one to defeat you, except the thoughts of yourself feeling bad. I've heard you say many times that you're better than no one, and no one is better than you. If you really believe that, you know you have nothing to win and nothing to lose. From fixtures and forces and friends, your sorrow does stem. That hype you and type you and making you feel that you gotta be just like them. I'd forever talk to you, but soon my words would turn into a meaningless ring. Far deep in my heart, I know there's no help I can bring. Everything passes, everything changes, just do what you think you should do. And someday, maybe, who knows, baby, I'll come and be crying to you. Et c'est toujours à Mélomane que ça se passe ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9, avec qui d'autre qu'un jeune Bob Dylan en 1964. Avec un extrait d'un album magistral enregistré en une seule nuit. Another Night, Another Side of Bob Dylan. Pardon, j'avais une nuit en tête. Bob Dylan qui, à ce moment-là, voulait s'émanciper un peu de cette image qu'on lui avait imposée d'être un chanteur protestataire qui gueulait contre tout et rien. Et bien là, il avait le goût de parler de lui un peu, de ses expériences personnelles, de pas nécessairement se faire le porte-parole d'une génération comme il était en train de le devenir et qui va le devenir malgré lui. Tout ça se passait avant qu'il embrasse la période complètement surréaliste un an plus tard. Et nous, ben, on l'a entendu avec To Ramona, une mélodie qui est pas sans rappeler quelque peu Que Sera Sera, pièce popularisée par Doris Day dans le film The Man Who Knew Too Much d'Alfred Hitchcock. Mais bref, on s'égare un peu. Sinon, on a entendu ceux qu'on connaît pour Happy Together ou Eleanor ou encore It Ain't Me Babe, reprise de Dylan, justement, un groupe qui gagne vraiment à être connu. J'ai nommé The Turtles, qu'on a entendu avec You Showed Me de 1969, qui est très précédé d'un doublé de 1973 avec Jusqu'à demain peut-être de Fugain et le Big Bazar, qui suivait une de mes chansons favorites de cette année-là, tout genre confondu, soit Parlez-moi de lui, il ne parle que de toi, par Nicole Croisille, avec un cœur et des arrangements sublimes, et le tout amorcé, pourquoi pas, avec le Prince of Darkness en personne, qui malheureusement nous annonçait dernièrement souffrir de Parkinson, mais qui, semblerait-il, est déjà en studio en train d'enregistrer un autre album, lui qui vient d'en sortir un avec son fameux duo avec Elton John, très bon si vous n'avez pas entendu ça. Bref, faute de tournée, semblerait qu'Ozzy est déjà en studio. Mais là, c'est avec un classique composé par le virtuose Randy Rhoads qu'on a entendu Ozzy Osbourne avec A Diary of a Madman, pièce épique de l'album du même nom sorti en 1981. Et nous, ben, on y retourne avec un groupe dans lequel on peut retrouver Paul Rodgers, qui va devenir plus tard le chanteur de Bad Company. Et là, on est en 1970 et on écoute le groupe Free en 99.1 et 88.9 CFNG. Get out of here and don't come back. My Lord, I was the money lender. You were the sensitive woman. I was the very Reverend Freud. You were the manual orgasm. I was the dirty little boy. And is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me? Is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me? You were Marlon Brando. I was Steve McQueen. You were KY Jelly. I was Vaseline. You were the father of modern medicine. I was Mr. Clean. You were the whore and the beast of Babylon. I was Rin Tin Tin. And is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me? And is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me? You got old and wrinkled.

au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Toujours à Mélomanes sur les ondes de CFNJ 99.1 88.9 avec M. Tom Waits, qu'on vient d'entendre tout jeune, avec un extrait de son premier excellent album Closing Time de 1973. Juste avant que sa voix devienne toute éraillée, on a entendu I Hope That I Don't Fall In Love With You, qui a été même reprise il y a quelques années par Fred Pellerin ici au Québec et Ariane Moffat aussi, si je ne me trompe pas. Et ça suivait de manière tout à fait inattendue un extrait de Master of Puppets, sommet du trash metal album, qui a fêté ses 34 ans hier parce que c'est sorti le 3 mars 1986. On a entendu Orion, pièce instrumentale très connue par les fans de Metallica, qui suivait la très catchy Double Vision du deuxième album de Foreigner en 1978. Et on a aussi entendu du monsieur Leonard Cohen avec l'ouverture de son excellent album New Skin for the Old Ceremony de 1974, Is This What You Wanted, qui suivait elle-même le groupe Free avec Mr. Big en 1970. Et c'est ce qui conclut pour nous l'émission de ce soir. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 20h, pour un autre mélomane. D'ici là, passez une excellente semaine et une bonne nuit. Et moi, ben, je vous laisse avec un petit Willy au 99.1 et 88.9 CFNJ. In twilight glow I see blue eyes crying in the rain. When we kissed goodbye and parted, I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember, and only memories remain. Ages I'll remember blue eyes crying in the rain. Blue eyes crying in the rain.